puis là, le cultivateur vient avec sa pépine, son tracteur, puis il défait le bordage. Parce que l'eau qui noie un champ de récolte, c'est à peu près 50 000 pièces. Mm. Fait que 25 pièces, tu es un castor. C'est chiant un peu, là, hein? C'est la vie. C'est peut-être des petites filles comme toi qui sont sensibles puis qui veulent pas que ça, ils veulent pas qu'on les use, là. Mm. On se ramasserait peut-être avec 3000 castors à l'entour. Même, madame, là, le castor, il veut pas que tu manges. Il se ramasserait tout chez vous parce que tu protégerais le castor. Les bois ne dorment jamais. Ce soir, le sommeil ne viendra pas à moi. Étonné. Je suis là avec deux N et avec un seul N. Maya est pas là. Même Maya est grecque.